Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. En direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais plus. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. Ils mangent pas de porc, mais ils font pire. Une femme dans chaque port et c'est le vice qui transpire. La culture de pire en pire, deal avec la télé qui fait shabbat. Moi j'oublie pas que dans leur empire, je suis qu'un pirate. Tous vendus aux vampires veulent faire des primes comme des primates. En prime, signe la mort des artistes et le hip-hop devient gay pride. Quand ça mitonne sur le beat, tu peux mettre ça sur le compte de l'âge bête. Mais dépassé 20 ans, ils sucent tous la bite de la bête. Même les anciens rappeurs fashion, pour moi, sont des mythes. Ils ont baissé leur fuck à la façon des sodomites. Ah, ça te fait mal, bah envoie-moi un mail. Mais je te répète, ils savent plus s'ils sont mâles ou femelles. Tu peux te dire comment, mais c'est le cubain qui illumine ma team. 100% rap conscient, anti-illuminati. C'est pas du Dr. Dre et quoi nous bien que Jay-Z. Je fais pas du rap à cornes avec des putes en barésie. Leur subliminal et leur débauche nous contamine. Les jeunes restent coachés, violents, pire qu'avec la kétamine. Je peux t'en faire des tartines, tu crois juste que je taquine. Mais ton fils kiffe les rapines et ta gamine tapine. La crème du rap français crame nos mondes. Et les pousses au crime, pousses au crime, pousses au crime, pousses au crime. Je voulais qu'ils deviennent des femmes et des marionnettes. Le diable me rit au nez, c'est juste des marionnettes. Baptise et plus de shit, un poison pour les schmitts. Ça pactise dans la street, les kafirs en réussite. Les kafirs choisissent leur vie comme à la redoute. Tous les trois suisses, tout droit à l'enfer, suivent leurs envies. C'est la déroute due aux 3-6. Pense aux bises, pleurent sans bif mais sont obèses. Abusent sous tise, disent que c'est nif mais faut qu'ils se taisent. 5 à 20, macabé en sursis, à quoi t'as servi? Bière sur bière, 20 sur 20, c'est pour ça que tu survis. C'est Iblis qui est ravi, tu te demandes pourquoi? Bah devine, t'as qu'une vie. Et pour la mort, y'a pas de devis. Et tu tâtonnes tellement t'as de lacunes. Et tu t'étonnes, mais t'as vu comment tu claques tes thunes. Certains pensent à la lutte, d'autres à la glute. Les occultes nous persécutent, fort en insultes, dirigent des incultes. À ce tapis roula, mais qu'est-ce que je fous là? Le monde est fou, la nature humaine, des grands crolas, 100% pur porc. Connaissent la soeur dans les salles de sport, se savent comme leur soeur, trop sale mais espèrent. Comme des zombies, les bras tendus marchent à l'envie. L'espoir fait vivre, ils vivront mieux, mais pas mieux, tant pis. Façon, tout est programmé. Si tu veux te battre, t'es condamné. L'argent, c'est pour l'armée, rien à battre que tu sois damné. Et pendant le G8 ou le G20, tout le monde est au rendez-vous. Les maîtres du monde nous narguent, leurs bâtards regardent à vous. Les Schmitt nous fight, façon ultimate. Les diplomates, après leur discours, se pètent des playmates. Tout ça, c'est du vent pour la misère, ils sont à la prod. Et pour le vice, pas un mystère, ils ont tous les codes. Projet ARP, RFID ou Codex. Méfie-toi des cabots qui portent des Rolex. Ils nous tiennent en laisse et font passer des lois de faf. Ça parle de menaces et mettre des jetons à la masse. Pendant que les politiques nous passent à pommade, leurs journalistes nous relate comme des automates. Le pouvoir est trompeur et les vrais sont trop peu. Ils se trouent la peau aussitôt se quitter le troupeau. J'ai pas de patrie, encore moins de drapeau. Car ta blanche colombe sent la bave de crapaud.